I'd like to start today by speaking about factors that get in the way of our realizing the Dhamma. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler des facteurs qui se mettent en travers de la réalisation du Dhamma. Le Dhamma est profond, mais il peut malgré tout devenir clair à partir du moment où les facteurs contraires ont été dispersés, ont été chassés. Et c'est la raison pour laquelle il est important de connaître ces facteurs, car lorsqu'ils sont dans le chemin, il est impossible d'obtenir les jhanas, impossible de développer la concentration. Il est donc important de les connaître et aussi de savoir comment on peut les surmonter. Donc le premier, c'est le désir sensuel ou kama chanda. Le second, c'est la malveillance, la colère ou biapada. Le troisième, c'est la paresse et la torpeur, tina mida. Le quatrième, c'est l'agitation et le remords, udacha kukucha. Et le dernier, c'est le doute sceptique, vitikicha. Donc, le premier, kamachanda, le désir sensuel, c'est vouloir voir, vouloir entendre, vouloir sentir des choses agréables, des bonnes choses, vouloir goûter des bonnes choses, les toucher, ou vouloir penser des bonnes choses. Le second, la malveillance ou biapada, c'est la colère, la frustration, la dépression. La forme agressive de biapada, c'est la colère. Et la forme qui se retourne contre soi-même, c'est la dépression. La forme de colère, d'aversion qui se retourne contre soi-même, c'est la dépression. Le troisième empêchement, la paresse et la torpeur, c'est l'esprit terne qui s'ennuie, qui est lent, qui est somnolent et qui ne veut rien faire, qui ne veut absolument rien faire. Le quatrième empêchement, l'agitation et le remords, c'est l'esprit qui est dispersé, qui est incapable de se maintenir sur l'objet. Et le remords, c'est soit le remords par rapport à des bonnes choses qu'on a omis de faire, ou par rapport à des mauvaises choses qu'on a malheureusement commises. Mais ce genre d'état d'esprit ne peut venir que si on n'est plus concentré sur l'objet, que si on s'est déjà éloigné de l'objet d'observation. Le dernier empêchement, vichikicca, le doute, ce n'est pas vraiment à propos de choses qu'on ne sait pas, c'est plutôt une incapacité à décider, à choisir entre différentes options. Alors à quoi ressemblent ces empêchements? Dans les textes, ils sont comparés avec des métaphores, ils sont comparés à différentes choses par des métaphores. Pourquoi est-ce qu'on utilise des métaphores? Parce que c'est une bonne façon pour comprendre leur nature. Ainsi, le désir sensuel est comparé à une dette. Lorsqu'on a le désir sensuel dans notre esprit, c'est comme si on avait notre créditeur plutôt qui venait récupérer son argent, et qu'il parlait durement contre nous, ou bien même peut-être qu'il nous frappait, et on ne peut pas répondre, on doit endurer cette situation, parce qu'on est endetté par rapport à lui. De la même façon, les désirs sensuels qui nous harcèlent, on est endetté par rapport à eux, on dit aussi qu'on est esclave de notre désir. C'est comme par exemple, si on veut une tasse de café ou un chocolat, en fait, on obéit à une suggestion qui vient un peu de l'extérieur. Et comme on est esclave, on obéit à cette voix extérieure et on va chercher le café, on va chercher le chocolat. Le deuxième empêchement, la colère, est comparée à une maladie. Une maladie qui nous fait perdre l'appétit. Par exemple, lorsqu'on est malade, qu'on reçoit une assiette de nourriture, ça nous donne juste envie de vomir. Il en va de même avec une personne en colère lorsque son professeur ou son précepteur lui donne le moindre petit conseil. Il voudra le rejeter. Il voudra le rejeter, ne pourra pas le supporter. Parfois, les personnes, les moines ou les nonnes qui ont pris la robe réagiront de cette façon en disant: Oh, mon supérieur m'opprime et je quitte la robe. À cause de ça, donc, il quitte la robe. Une personne qui est en colère ne pourra pas connaître le bonheur des jhanas, de l'absorption, ni aucun autre bonheur que peut procurer la méditation. Donc le troisième empêchement, la paresse et la torpeur, est comparé à le fait d'être en prison, alors que à l'extérieur, des festivités ont lieu. Lorsqu'on est en prison, on manque le début, le milieu et la fin des festivités. Le lendemain, alors qu'on sort de prison, les autres nous en parlent et ils nous disent: Oh, il y avait des danses, il y avait des chansons, il y avait de la musique, etc. Mais on est incapable de réagir, on ne peut pas réagir puisqu'on n'y était pas, on n'y a pas assisté. Il en va de même donc pour le méditant qui fait face à la somnolence. Il manque le début, le milieu et la fin de l'objet d'observation. S'il est par exemple somnolent pendant l'enseignement, pendant le Dhamma Talk, il manquera le début, le milieu et la fin du Dhamma Talk. Le quatrième empêchement, l'agitation et le remords sont comparés dans les textes à un serviteur qui est en train de prendre du bon temps lors d'un festival et son maître lui dit d'aller ailleurs, sans quoi il lui brisera les jambes et les bras. Et donc le serviteur est forcé de le faire et il manque donc, il rate le festival. Dans la méditation, c'est la même chose. L'agitation et le remords nous séparent de l'objet et on ne peut donc l'expérimenter. On va ailleurs. On aimerait mieux ne pas avoir de souvenirs désagréables, de souvenirs de choses qu'on regrette, mais malheureusement, le remords nous y contraint, et même s'il nous rend malheureux. On aimerait mieux ne pas aller là, mais le remords nous y contraint. Parfois, les yogis se rendent quelque part pour pratiquer la méditation et ils ont des remords, des regrets, ils se demandent aussi, ils se posent des questions, ils sont incapables de voir clairement si, par exemple, ils ont brisé les préceptes ou non. Ils sont incapables de voir clairement. Le dernier empêchement, le doute, est comparé à un voyageur qui est embarqué dans un voyage dangereux et qui transporte des biens onéreux, enfin des biens précieux et de l'argent. Alors à un endroit, il voit le lieu où d'autres voyageurs ont été attaqués. Et puis il entend le son de bâtons qui sont rompus, de chiens qui aboient, et il se demande, s'agit-il de voleurs? Devrais-je continuer ma route? Devrais-je rebrousser chemin? Et s'il doute de cette façon-là, peut-être qu'il parviendra à s'en tirer, mais peut-être pas. Peut-être qu'il sera attaqué. Et de la même façon, un méditant qui se poserait des questions de ce type, se demandant le Bouddha est-il vraiment illuminé? Le Dhamma est-il vraiment bon? Est-ce qu'il mène vraiment à la paix? S'il est confus de cette façon-là, il ne parvient pas à tirer cela au clair, il n'atteindra pas le chemin et le fruit, il n'atteindra pas la fin du chemin et la libération. on devrait comprendre que ces facteurs sont néfastes pour nous. La colère est négative, la somnolence est négative également, le remords n'est pas sain, il ne mène pas au progrès. Le doute, quant à lui, peut prendre la forme de la sagesse. On peut penser qu'on est très subtil en doutant, très intelligent, mais dans la réalité, le doute nous empêche de progresser. Donc nous devons comprendre comment ces facteurs ne nous aident pas. Comment peut-on surmonter ces nivaranas, c'est-à-dire ces empêchements, dans la pratique? Nous recevons l'instruction pendant la méditation assise d'observer le soulèvement et l'abaissement. Pour pouvoir observer ceci, deux facteurs sont nécessaires. Tout d'abord, l'effort qui est nécessaire à tout moment. Si l'effort est faible, cela ouvre la porte aux empêchements. Non seulement nous avons besoin de l'effort à chaque instant, à chaque seconde, mais nous avons aussi besoin de la capacité de viser l'objet, de façon à ce que l'observation parvienne à l'objet ni trop tôt ni trop tard. Si ce facteur-là n'est pas présent, enfin si ces deux facteurs-là ne sont pas présents à l'esprit, celui-ci sera lent, terne, et on pourrait le comparer à du beurre refroidi, c'est-à-dire un esprit avec lequel on ne peut rien faire, on est incapable de faire quoi que ce soit. Par contre, si la capacité à viser l'objet est présente, alors l'esprit sera frais et il fleurira. Je pense que je peux supposer que toutes les personnes qui sont venues ici avaient une certaine confiance dans la pratique, une certaine confiance dans le fait que cette pratique était une bonne chose à faire, soit parce qu'ils ont déjà des expériences passées qui le leur ont appris, soit parce qu'ils l'ont entendu d'autres personnes. Et donc, ayant cette confiance, ils auront aussi le désir d'obtenir ce pour quoi ils sont venus. Mais si ce désir est trop fort, si on déploie trop de zèle pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, il est possible qu'on passe par-dessus l'objet et qu'on le manque, qu'on ne parvienne pas à l'observer. Par contre, si on est incertain des résultats potentiels de cette pratique, que cette pratique peut réellement nous bénéficier, on risque de ne pas déployer assez, d'arriver trop tard pour l'objet, de ne pas déployer suffisamment d'efforts pour atteindre l'objet. C'est pour cette raison aussi que la capacité à viser est nécessaire, afin d'assurer que l'effort qu'on déploie parvienne à l'objet. Si il arrive avant que l'objet ne soit apparu, comment pourrions-nous voir l'objet? Donc, autrement dit, si on est trop impatient, trop désireux de voir l'objet, notre observation va précéder l'objet. Et donc on ne le verra pas. On va peut-être l'anticiper. Si on arrive après, parce qu'on est trop hésitant, on ne pourra pas non plus le voir clairement. Donc nous devrions toujours vérifier pour nous-mêmes, est-ce que ces deux facteurs sont présents? Est-ce que je fais suffisamment d'efforts? Et est-ce que je vise correctement l'objet? La pratique rend parfait, dit-on. Nous devons toujours continuer à essayer. C'est comme jouer aux fléchettes ou tirer à l'arc. On tente toujours de s'améliorer. Et il y a une cible. Et lorsque l'on vise la cible en fonction de la proximité avec le centre de la cible, on reçoit des points. Au plus on est proche du centre, au plus on a des points. C'est la même chose avec la pratique. Si on applique l'effort et si on vise l'objet, à chaque fois, même si ce n'est pas, notre tir n'est pas totalement précis, n'est pas 100% précis, nous gagnons quand même des points. Et parce qu'il y a quand même un certain degré d'attention qui est présent, même si on ne vise pas tout à fait justement. Et si on continue à essayer toujours de cette façon, on continue à essayer, on se rapproche de plus en plus du centre de la cible. Si on parvient à saisir le commencement, l'apparition, le tout début de l'objet, c'est comme si on atteignait le centre de la cible. Parce qu'à ce moment-là, l'observation va coller à l'objet. Donc pour répéter ce point encore une fois, à chaque moment d'observation, il y a un certain degré d'attention qui est présent. Si ce n'est qu'un seul moment d'attention, cette attention est relativement faible. Mais lorsque on déploie l'effort et qu'on vise l'objet fréquemment, de façon répétée, encore et encore, l'observation finit par coller à l'objet. L'observation est, l'esprit est unifié, concentré sur l'objet. C'est ça qu'on appelle donc la concentration, le fait d'être unifié sur l'objet. À ce moment-là, l'esprit ne peut pas aller ailleurs. Même si la concentration n'est pas encore entièrement apparue, qu'elle n'est pas encore présente, que l'esprit n'est pas encore tout à fait, n'est pas unifié sur l'objet, en restant sur l'objet malgré tout, l'esprit ne va pas vers ses objets habituels. Par exemple, expérimenter des bonnes choses, voir, entendre, goûter, toucher, sentir, penser à des bonnes choses. Pour certaines personnes auront plutôt tendance à penser à des choses plaisantes et d'autres auront plutôt tendance à aller du côté de la colère ou de l'aversion par habitude. Mais si l'esprit reste sur l'objet, eh bien, il n'ira pas vers ses objets habituels. Il ne s'impliquera plus dans les plaisirs sensuels. Donc lorsque la capacité à viser et l'effort sont déployés à chaque instant, à chaque seconde, la capacité à viser, on appelle cela aussi l'application initiale ou vitaka en pali. Lorsque elle est présente à chaque seconde, cette capacité à viser, et qu'elle devient suffisamment précise, alors apparaît ce qu'on appelle vichara en pali, c'est-à-dire l'application soutenue, qu'on appelle aussi le fait de se frotter à l'objet. Donc lorsque l'esprit est ainsi une attention soutenue, une application soutenue à l'objet, il sait quel est l'objet. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'hésitation, il est certain. Il sait par exemple, ceci c'est de la dureté, ceci c'est de la mollesse. Cette application soutenue, elle vient en raison du fait qu'on a correctement visé l'objet encore et encore, de façon répétée. On peut aussi dire que cette application soutenue, elle apparaît à partir du moment où on est capable de saisir le commencement, l'apparition du phénomène. Lorsque l'esprit est ainsi unifié sur l'objet, l'intérêt joyeux pour la pratique va émerger, va se manifester. On appelle cela piti en pali. L'esprit n'est pas agité, n'est pas dispersé par les empêchements, par les pollutions mentales. L'esprit est tranquille et aussi il y a un bien-être qui apparaît qu'on appelle en pali sukha. Donc lorsque l'esprit est unifié sur l'objet, puisqu'il ne va pas vers les pensées, il ne va pas vers les objets désirables, on dit que la concentration, donc le fait d'être unifié sur l'objet, c'est l'antidote au désir sensuel, au premier empêchement, le désir sensuel. Piti, donc la joie, est l'antidote au deuxième empêchement, Vyapada. Donc la capacité à viser l'objet, donc Vitaka, c'est ce qui rend l'esprit frais, c'est ce qui le fait fleurir. Et donc c'est l'antidote à la paresse et la torpeur. C'est pour ça aussi que quand on a de la somnolence, il est conseillé de réciter quelque chose qu'on a mémorisé, puisque ça peut réveiller l'esprit. Donc Sukha, le bien-être, est le facteur qui surmontera l'agitation et le remords. Et Vichara, c'est-à-dire l'application soutenue, qu'on appelle aussi le fait de frotter à l'objet, est le facteur qui permettra de surmonter le doute. Donc j'aimerais conclure en décrivant une analogie des Écritures pour illustrer comment nous devrions déployer des efforts, nous devrions essayer, tenter de faire des efforts pour observer l'objet. Il s'agit donc d'un criminel qui a été condamné condamné à mort. Mais on lui laisse une option. Le roi lui dit: prends ce bol rempli d'huile jusqu'au bord sans en verser une seule goutte. Où doit-il emmener ce bol? Eh bien, il doit l'emmener à une scène où va danser la plus belle femme du pays. Et à cet endroit se rend une foule immense parce que tout le monde veut voir cette femme danser. Et lui doit se frayer un chemin à travers la foule sans verser une seule goutte, sans quoi un homme qui est derrière lui avec une épée lui tranchera la tête. Alors pensez-vous avec quel degré d'intensité cet homme, à votre avis, portera-t-il ce bol? Avec quel degré d'intensité se concentrera-t-il sur sa tâche? Et se laissera-t-il, à votre avis, distraire par la belle femme sur la scène ou par les gens autour? Donc c'est une analogie qui illustre à quel point notre attention est importante. Elle est si importante que nous ne devrions pas en gaspiller, enfin en perdre la moindre goutte au cours de notre journée. So our mindfulness comes from effort to observe. So I hope that you will all be able to apply the instructions to observe the arising object with effort and aiming. As often as every second of the time, as much as you can, between now and the remainder of your retreat. Enfin, on sait que l'attention procède de l'effort d'observer l'objet. J'espère que vous serez tous capables d'appliquer les instructions, d'observer l'objet avec effort et avec la capacité à le viser à partir de maintenant et jusqu'à la fin de votre retraite. Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu.